Oh Yong-nan, directrice adjointe de l'Institut du problème international de Corée, a publié le 5 un écrit titré « La sanction des Américains à l'égard de la Corée est vaincue ». L'auteur condamne les Américains et leurs suivistes qui ont adopté de force une nouvelle résolution de sanctions contre la République populaire démocratique de Corée en abusant du Conseil de sécurité de l'ONU. Elle continue « La cause fondamentale de la sanction permanente des Américains est là où la Corée ne veut point se soumettre à leur domination. Bien que les États-Unis aient inventé toutes sortes d'articles d'embargo sous couvert de résolutions de sanctions, la Corée a déjà frayé un chemin de modelage de sa vie et de sa prospérité en dépit des embargos et blocus incessants des Américains. Le socialisme à la coréenne progressant dynamiquement par la force motrice de l'esprit de se renforcer soi-même, voilà la plus simple et claire cause neutralisant la sanction des États-Unis. Attaché à la pensée qu'il pourrait nous abattre au 101e coup, quoique le 100e ait échoué, les Américains et leurs suivistes recourent à la sanction téméraire. C'est vraiment absurde que, s'ils tentent de démolir notre cohésion autour des dirigeants avec une seule volonté et le sentiment fraternel. Bien que l'administration américaine ait changé à 12 reprises, à partir de Truman, provocateur de la guerre de Corée, jusqu'à Obama qui s'est sacrifié à la campagne de sanctions contre la Corée avec la patience stratégique, les Américains sont toujours vaincus par suite de l'ignorance à notre égard. Qui que soit le maître de la Maison-Blanche, l'espoir du triomphe dans la confrontation coréen-américaine sera la plus grande ignorance à notre égard, et la défaite des Américains est donc fatale.